Je ne sais pas raconter la France. Je vis en France, mes amis sont français. Pourquoi cet entêtement à raconter mon pays dans une langue qui n'est pas la mienne? Et j'ai abouti à ce résultat. Vivant dans mon pays, j'aurais fait des enfants, j'aurais fait la cuisine, j'aurais vécu. L'idée de raconter mon pays est venue avec l'exil. Vivant en France et mon pays meurtri, mon pays bombardé, mon pays déchiré, déchiqueté, je devais le raconter pour, c'était ma manière pour moi de le faire vivre. Quand les bombes pleuvaient sur Beyrouth, je me protégeais derrière la page blanche. C'était comme si j'étais derrière un mur qui me protégeait des bombardements. La page blanche était une armure, quelque part. Et puis je le racontais parce qu'on parlait de 500 morts par jour, de 300 morts par jour. Donc c'était ma manière de ressusciter tous ces gens. Alors, j'ai restitué au pays réel, fait d'arbres, de sources, de terres, un pays de papier. J'ai écrit les deux langues à la fois, parce que la langue française ne me suffisait pas. Quand j'écrivais mes brouillons, j'arrivais comme ça, avec la plume suspendue en l'air, le mot français ne suffisait pas à mon cœur. Alors j'écrivais en arabe, ces mots qui me semblaient plus forts en arabe. Et mes brouillons étaient écrits dans les deux langues, l'une allant de droite à gauche, l'autre allant de gauche à droite. Elles se rencontraient au milieu de la page, au milieu de ma vie, au milieu de mon cœur.